إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، لقد من الله على عباده بدين متين يخاطب العقل والقلب ويؤصل القواعد والأحكام، شامل للكليات والجزئيات والاعتقادات والعبادات والسلوك والآداب، وقرر أصول التعامل مع البسطاء والعظماء وأهل البطالة والأثرياء والفقراء والأغنياء. قال جل شأنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكماله شرق الأعداء بتمسك أهل الإسلام به. قال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فيسعون إلى إقضاء أهله عنه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومن أعظم مداخل أهل الباطل على المسلمين زعزعة الأمن في بلدانهم، فإذا فقدوه انقطعت السبل وتفرقت الكلمة وحل الفقر وانتشرت الأسقام وسلبت الأموال والممتلكات وهتكت الأعراض وسفكت الدماء، فيعم الجهل والخوف وينشغل الناس عن دينهم، ويظهر أهل الريب والشك وأرباب البغي والإفساد. وكلما ابتعد الناس عن زمن النبوة ظهرت الفتن والمحن. قال عليه الصلاة والسلام: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. رواه أحمد. والثبات في مدلهمات الحوادث والأزمان عزيز، ولا تظهر فتنة إلا ويسقط فيها رجال. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتعوذ من الفتن قبل ظهورها وعند نزولها، فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم. ومن دوائها عدم الخوض فيها وترك الأمر لأهله من الولاة والعلماء لعرضها على الكتاب والسنة، قال جل شأنه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، فإذا أدبرت عرفها العامة، ولكن بعد الفوات. والعلماء هم ورثة الأنبياء، ولا غنى للحاكم والمحكوم عنهم في السراء والضراء والشدة والرخاء، فالله سبحانه وتعالى أمر بسؤالهم في جميع الأحوال، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهم بأمر الله سبحانه وتعالى أمان للمجتمع من الفوضى والتطاول على الحاكم، وهم الناصحون لولي الأمر المذكرون له بما يرضي الله سبحانه. قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم. ومن أسس هذا الدين النصيحة لكل فرد وإن علا، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وقد سلك السلف الصالح السبيل الأقوم في النصح للحاكم على ما جاء به الكتاب والسنة من غير تشهير به ولا تنقص. قال ابن القيم رحمه الله: مخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا، ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب رؤساء العشائر والقبائل. وإذا اجتمعت القلوب على الحق والنصح قويت في العبادة وحسنت بينهم المعاملة، وحفظ الله المجتمع من الشرور، وكانت يد الله عز وجل معهم. قال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. رواه الترمذي. ومن أوائل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار، وتوحيد صفهم لتقوى شوكة المسلمين ويعيش الجميع في أمن واستقرار. ومن تعظيم الإسلام للجماعة أنه أمر بقتل من أراد تفريقها، قال صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات، أي فتن ومحن، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. رواه مسلم. ولا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. قال الإمام أحمد: إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس فهي الفتنة. وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سجاه الصحابة، أي غطوه، ثم ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة له. ولما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه عادوا إلى تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم من غسله وتكفينه ودفنه، فقدموا اختيار الخليفة على دفنه لعلمهم للحاجة أن المجتمع لا يصلح ولو ساعة بلا وال. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل له: هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبيل، ويقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. ومن معتقد أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر بالمعروف وإن كان ظالما. قال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطيع. رواه مسلم. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافى. ومن رأى من وليه تقصيرا أو ظلما فهو مأمور بالصبر على بغيه، منهي عن معصيته والخروج عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية، أي كأنه لم يدرك الإسلام. رواه مسلم. وعلى هذا النهج العظيم سار سلف هذه الأمة، فكان كبار الصحابة وكبار التابعين كابن عمر وابن سيرين وابن المسيب يصلون خلف الحجاج مع عظيم ظلمه وكثرة قتله وبطشه ويدعون له. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع. والإسلام جاء بدرء كل مفسدة عن الأفراد والشعوب، ليبقى الجميع يدا واحدة متلاحمة مطمئنة، نابذين كل فرقة واختلاف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وأخذ بهذه القاعدة علماء أهل السنة والجماعة، فاجتنبوا الشذوذ والخلاف والفرقة، ونهوا عن كل وسيلة تدعو إلى منابذة السلطان أو الخروج عليه. والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تحريم هذا، وذلك حين حدوث أول خروج على الإمام في الإسلام، لما قدم نفر من أهل مصر والبصرة والكوفة ونزلوا على مشارف المدينة لحصار عثمان بن عفان رضي الله عنه في داره، طالبين عزل نفسه من الخلافة أو قتله. قال ابن كثير رحمه الله: فكل الناس أبى دخولهم، أي إلى المدينة، ونهى عنه. فكل تظاهر، سواء كان بسلاح أو خلا من سلاح، فهو محرم في ديننا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أهل العلم والدين والفضل لا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا. وأجمع العلماء على تحريم الخروج عليهم وإن بدر منهم ظلم أو قصور. وقال النووي رحمه الله: الخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. ولم يخرج أحد على إمامه إلا ندم، وكانت مفسدة خروجه أعظم من الصبر عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أهل السنة يأمرون بالصبر على الجور الأئمة وترك قتالهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر. وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. وحدث في من الخليفة المأمون أمور في الدين جسام، كنفي صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن، وعذب من أنكر ما دعا إليه، فسجن وجلد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. ولم يأمر أحمد بن حنبل ولا كبار أهل العلم في عصره كإسحاق ومحمد بن نوح ولا غيرهم بالخروج عليه، وفي حشد الناس والتنادي بجمعهم والتكالب ضد إمامهم شتات لشمل الأمة وتفريق لكلماتها، وإثارة للفتنة والفساد، ويوقعها في خنوع وكروب وجوع وحروب ونهب وسفك دماء وتحقيق لمآرب الأعداء. ومن يتحمل إثم سفك الدماء وقتل الذراري وترمل النساء وهتك الأعراض وسلب الأموال ونهب الخيرات. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: والاجتماع الذي فيه نقص كبير خير من الافتراق الذي يظن فيه خير كبير، والقتال وسفك الدماء بين الأمة هو ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. فكل تظاهر على الحاكم فهو محرم، وإن أذنت به أنظمة وضعية لمخالفتها لما جاء به الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله: وما يحصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه. أيها المسلمون، دين الإسلام دين اعتدال وأمان موافق للفطر والعقول. قال سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولا ينفع للشعوب سوى الإسلام، فبه الأمان والسكينة، وهو وقاية من الفرقة والاختلاف. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإذا سلكت الشعوب منهج أهل السنة والجماعة في معتقداتها مع خالقها ومعاملاتها مع الخلق اطمأن الراعي والرعية، فلا خروج ولا فوضى ولا اضطراب. وإذا ابتعد الناس عن الدين دخلت الأهواء في النفوس واختلفت الآراء فتفرقت الكلمة وعم البلاء. وفي زمن الفتن يتأكد العلم الشرعي وغرس العقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة والشباب والكهول، لتكون درعا حصينا في وجه شبه أهل الباطل وشهوات الأعداء. ومما يديم نعمة الأمن والرخاء في الشعوب الإكثار من أنواع الطاعات، وأحب عبادة إلى الله عز وجل إفراده بالعبادة ونبذ الإشراك به من الاستغاثة بالأموات ودعائهم، والطواف على الأضرحة والقبور، ومجانبة أنواع المعاصي. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسس إصلاح المجتمع وترسيخ هيبة السلطان في الرعية، ومما ينزل السكينة على الشعوب ويجعلها تنبذ الفوضى والاضطراب إكثار الجميع من تلاوة كتاب الله العظيم، ونشر ذلك في المساجد ودور العلم في المدن والقرى للصغار والكبار. فهو كتاب مبارك ينشر الخير ويمنع الشر، وتطمئن به النفوس. قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسعادة الجميع في التمسك بالدين وتحكيم الشرع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié ses serviteurs d'une religion ferme qui dialogue et atteint la raison et les cœurs, une religion conduite par des règles, des fondements et des bases, une religion qui englobe toutes choses et qui n'a rien laissé au hasard, que cela soit dans le dogme, la croyance, les adorations, le comportement ou la vie mondaine. Cette religion nous dit comment nous comporter avec tout le monde, que ce soit avec les faibles ou avec les forts, avec les puissants ou pas, ou avec les riches ou avec les pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, yani dans le Coran. Et à cause de la perfection de cette religion, à cause de la perfection de l'islam, ses ennemis se sont levés contre cette religion ou contre ceux qui s'y accrochent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux, pardonner et oublier jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse venir son commandement. Et ils essaient d'en finir avec les gens de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah azza wa jal, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala parachevera sa lumière en dépit de la version des mécréants. Et la plus grande porte par laquelle rentrent les gens du faux pour troubler les musulmans, c'est en remettant en cause la sécurité et la sérénité dans leur pays, dans les pays musulmans. Et s'il n'y a plus de sécurité, le vol et le crime se propagera et les avis divergeront. Et la pauvreté sera de mise, et les maladies du cœur deviendront de plus en plus répandues, les biens et l'argent des gens seront spoliés, leur honneur sera bafoué, et le sang coulera, la peur et l'ignorance prendront le dessus, et les gens s'occuperont à autre chose que leur religion, et s'occuperont à autre chose que d'appliquer l'islam. Et apparaîtra alors les gens du doute et de l'ambiguïté, les seigneurs de la perversité, de l'égarement et de la débauche. Et à chaque fois que les gens s'éloigneront de leur religion, et plus on s'éloigne également de la période prophétique, plus les discordes et les difficultés et les problèmes apparaîtront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bientôt vous vivrez des épreuves aussi sombres qu'une nuit obscure. La personne qui au matin est croyante deviendra le soir mécréante, et qui au soir est croyante, elle deviendra au matin mécréante. Comme ceci est rapporté par Ahmed. Et sachez que le fait d'être ferme quand surviennent de graves événements, eh bien c'est une chose honorable. Car chaque fois qu'une discorde apparaît, des gens tombent dedans. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il en est parmi les gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon indécise. S'il leur arrive un bien, eh bien ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, eh bien ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien d'ici-bas et de l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à sa communauté de demander protection contre les épreuves, ceci avant qu'elles n'arrivent et pendant que ces épreuves sont là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, demandez protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre les épreuves, qu'elles soient vaillantes ou cachées. Rawahu Muslim. Et le remède contre les épreuves et les discordes est de ne pas conjecturer à leur sujet, et de la laisser ou de laisser ces épreuves et ces discordes aux gens qui sont capables de les assumer, parmi les savants et les gouverneurs, afin qu'ils les confrontent au Coran et à la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, eh bien ils la diffusent. Et s'il l'a rapporté aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du messager ou de la bouche des détenteurs du commandement parmi eux. Et sachez que quand une grande épreuve arrive, les savants, eh bien ils la reconnaissent. Et quand cette épreuve part, là seulement le commun des musulmans se rend compte après le départ de cette épreuve. Et les savants sont les héritiers des prophètes, et les gouverneurs et les gouvernés ne pourront s'en sortir sans ces savants. que cela soit dans la difficulté ou dans la facilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de questionner les savants dans toutes les situations. Et peu importe le sujet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Questionnez les gens de science si vous ne savez pas ». Et les savants sont par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala une sécurité et un rempart pour la société contre la zizanie et le fait de ne pas respecter les gouverneurs. Les savants sont ceux qui conseillent les gouverneurs, ceux qui leur rappellent, ceux qui satisfait et mènent à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sahl ibn Abdillah, rahimahullah, a dit « Les gens ne cesseront d'être dans les bienfaits tant qu'ils seront respectueux envers les gouverneurs et les savants. Et s'ils respectent ces deux-là, c'est-à-dire les gouverneurs et les savants, Allah azza wa jal améliorera leur vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. » Et parmi les fondements de cette religion, il y a le conseil qui doit être fait à chaque personne. Et ceci peu importe le rang de cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le conseil fait partie de la religion. » Les compagnons ont dit « Pour qui est ce conseil ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son livre, pour son messager, pour les gouverneurs des musulmans ainsi que le commun des musulmans, rawahu muslim. » Et c'est ce chemin qu'ont pris nos peu prédécesseurs. Ce chemin droit qui est de conseiller les gouverneurs selon le Coran et la Sunna, sans les dénigrer ou sans diminuer de leur valeur. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait « Le dialogue avec les gouverneurs avec une parole douce eh bien, est une chose demandée et obligatoire, que cela soit dans la religion ou de par la raison ou par tradition. » Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dialoguait avec les chefs des clans et des tribus, c'est-à-dire avec douceur. Et si les cœurs s'unissent sur la vérité et dans le bon conseil, leurs adorations seront plus fortes et leurs relations n'en seront que meilleures. Et Allah subhanahu wa ta'ala préservera par cette cause la société de tous les maux. Et la main d'Allah subhanahu wa ta'ala sera avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La main d'Allah azza wa jal est avec le groupe » rawahu al-Tirmidhi. Et parmi les premières décisions qu'a prises le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son arrivée à Médine et qu'il a fraternisé entre les émigrés et les ansars afin d'unir leurs rangs et afin que la puissance des musulmans se renforce et que chacun vive dans la sécurité et la stabilité. Et pour montrer l'importance du groupe de la jama'a, eh bien, c'est que l'islam a ordonné de combattre ceux qui veulent diviser ce groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il viendra un temps où il y aura beaucoup d'épreuves et de discordes. Celui qui veut diviser l'union de cette communauté, alors qu'elle est unie, frappez-le avec le sabre, et peu importe qui est cette personne. » Rawahu Muslim. Et sachez qu'il n'y a pas de religion sans jama'a, sans groupe, et qu'il n'y a pas de groupe sans imam, sans gouverneur, et il n'y a pas d'imam s'il n'est pas écouté et obéi. L'imam Ahmad, rahimahullah, disait « Si il n'y a pas de gouverneur qui s'occupe de gouverner les gens, ce sera alors la discorde et les problèmes. » Et les compagnons, radiyallahu anhum, ont compris cela, et dès que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décéda, les compagnons l'ont recouvert. Ils sont ensuite allés sur la tribune des Beni Sa'ida pour choisir au prophète sallallahu alayhi wa sallam un successeur. Et quand ils ont fait l'acte d'allégeance à Abu Bakr, là seulement ils ont lavé et ils ont mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le linceul et ils l'ont enterré. Ils ont privilégié le fait de choisir un gouverneur sur le fait de s'occuper de l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que la société et la communauté ne pourraient être bonnes sans gouverneur ne serait-ce qu'une seule heure. Et parmi la croyance des gens de la sunna, il y a le fait d'obéir au gouverneur dans le bien, même si ce gouverneur est injuste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu dois écouter et obéir au gouverneur, même si ce dernier frappe ton dos, et même si ce dernier prend ton argent, tu dois écouter et tu dois obéir. » Wat-Tahawi rahimahullah disait « Nous voyons qu'obéir au gouverneur fait partie de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une obligation. Tant qu'il n'ordonne pas à désobéir à Allah Azza wa Jal, nous devons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, afin qu'il les améliore et qu'il les réforme, et qu'il leur donne une bonne santé. Et celui qui voit que le gouverneur a fauté ou a été injuste, eh bien qu'il patiente, et qu'il ne désobéisse pas, ou ne sorte pas de son autorité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui déteste une chose chez son gouverneur, eh bien qu'il patiente, car personne n'est sorti de l'autorité du gouverneur, ne serait-ce que d'une coudée, et qui est mort ainsi, yani en sortant eh bien, de l'autorité du gouverneur, sans qu'il ne soit mort, comme s'il était au temps de l'avant-islam. C'est-à-dire que cette personne, c'est comme s'il n'était jamais entré en islam, ou l'iyadu billah. Et c'est sur ce chemin que les salafs, que les pieux prédécesseurs sont restés. Les grands compagnons, et ceux qui les ont suivis, comme Ibn Umar, ou Ibn Sirin, ou Ibn al-Musayyib, priait derrière Al-Hajjaj ibn Yusuf. Malgré sa grande injustice et malgré le fait qu'il tua plus de 120 000 parmi les compagnons et leurs descendants, et malgré cela, eh bien, les pieux prédécesseurs faisaient des invocations pour lui. Al-Hassan al-Basri disait, certes, Al-Hajjaj fait partie du châtiment d'Allah. Ne repoussez pas le châtiment d'Allah Azza wa Jal par vos propres mains, mais plutôt en vous soumettant à Allah Azza wa Jal et en l'implorant. Et sachez que l'islam est venu pour repousser le mal et l'écarter des gens et des peuples, afin que l'unité entre ces gens et ce peuple, eh bien, persiste. Ibn Mas'ud radiallahu anhu disait, ce que vous détestez dans l'unité est meilleur pour vous que ce que vous aimez dans la divergence. Et c'est cette règle qu'ont appliquée les gens de science, les gens de la sunna et de la jama'a, eh bien, c'est ceci qu'ils ont appliqué. Ils se sont écartés de la divergence et ont interdit toutes les causes pouvant y mener et pouvant mener à sortir et à désobéir et à désobéir au gouverneur. Les compagnons, radiallahu anhum, sont unanimes quant à l'interdiction de cela. Et ceci quand des gens venus d'Égypte et de Basra et de Koufa qui sont en Irak sont venus à Médine pour destituer Omar et Uthman, pour destituer Uthman ou pour le tuer. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, tout le monde leur a refusé l'entrée de Médine et ils leur ont interdit de faire cela. Et toute manifestation, que cela soit avec des armes ou sans armes, eh bien ceci est interdit dans notre religion. Cheikh al-Islam, rahimahullah, a dit, les gens de science et de religion et de bien, aucun d'entre eux ne permet une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, comme la désobéissance au gouverneur, ou les tromper, ou sortir de leur autorité, et ceci peu importe la manière. Et ceci est connu chez les gens de la sunna d'avant et d'aujourd'hui. Et les savants sont unanimes quant à l'interdiction de sortir de l'autorité du gouverneur, même si ces gouverneurs sont injustes. L'imam Nawawi, rahimahullah, a dit, sortir de leur autorité ou les combattre, eh bien ceci est haram, est interdit, même s'ils sont injustes ou pervers. Et aucune personne n'est sortie de l'autorité de son gouverneur, eh bien sans qu'il ne l'ait regretté, et sans que le mal qu'il y avait, eh bien ne se soit amplifié. Cheikh al-Islam, rahimahullah, disait, les gens de la sunna ordonnent de patienter quant aux méfaits des gouverneurs, et de ne pas les combattre, car le mal et la discorde qui découlent du fait de les combattre, eh bien est plus grand que s'ils avaient patienté. Et à l'époque de Ma'moun, il se passa une grande discorde. Et ce gouverneur avait réfuté certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait que le Coran était créé et il châtia et tortura et tua tous ceux qui étaient en contradiction avec lui. Et il emprisonna et il a fouetté l'imam de la sunna, l'imam Ahmad, rahimahullah. Et pourtant ce dernier n'a pas ordonné de se rebeller contre lui, ni les grands savants de son époque comme Ishaq ou Muhammad ibn Nuh et bien d'autres. Et il y a dans le fait de rassembler les gens et de les réunir et de les faire lutter et combattre contre leur gouverneur, eh bien il y a dans cela une division de la communauté. Et c'est une exhortation à la discorde et à la perversité. Et ceci ne fera que mettre cette communauté dans des problèmes et des tensions. Cela ne ramènera que la fin, la guerre et le désordre. Et ceci ne ramènera que du pillage. Et cela ne fera que couler le sang de nombreux innocents. Et ceux qui auront fait cela en auront à en supporter la responsabilité le jour de la résurrection devant leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, disait, le fait d'être uni, même s'il y a dans cette union un manque, est mieux qu'être divisé en croyant qu'il y a un grand bien dans cette division. Et les combats, et les luttes intestines, et le fait de faire couler le sang, eh bien, c'est ce qu'avait craint le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour cette communauté. Il a dit, alayhi salatu wa sallam, ne redevenez pas mécréants après mon départ, et après ma mort, en vous entretuant les uns les autres, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et toute manifestation contre le gouverneur, eh bien, est interdite en islam, même si c'est je ne sais quelle organisation qui y appelle, car ceci est contraire aux règles de notre belle religion. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait, ce qui découle de cela sera pire et multiplié par rapport à ce qu'il subissait. Et sachez que la religion musulmane est une religion de justesse et de sécurité, car cette religion est en concordance avec la saine nature. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, telle est la saine nature sur laquelle Allah azza wa jal a originellement façonné l'être humain. Et aucune autre religion ne sera utile pour les gens si ce n'est l'islam. Et c'est avec cette religion qu'on trouve la sécurité et la tranquillité. Et cette religion est une protection contre la divergence et la division. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ceux qui ont cru et qui n'ont pas altéré leur foi en commettant l'association ceux-là ont la sécurité, ce sont eux les bien guidés. Et si les gens appliquent les dogmes, et le dogme et la croyance de nos pieux prédécesseurs, des gens de la sunna, eh bien, que ce soit avec le créateur ou les créatures, le gouverneur et les gouvernés seront tranquilles. Et il n'y aura ni rébellion ni zizanie. Et si les gens, au contraire, s'éloignent de la religion, alors les passions et les ambiguïtés entreront dans leur cœur, et les avis divergeront, et le malheur sera présent. Et c'est dans les périodes de grande discorde que nous avons besoin de la science religieuse, que nous avons besoin de la croyance authentique, que nous avons besoin que la croyance authentique soit ancrée dans le cœur des gens, dans le cœur des jeunes, ainsi que des vieux, afin que cette croyance soit un bouclier et une citadelle imprenable pour les gens contre les gens du faux, contre les gens qui suivent leurs passions et contre les ennemis. Et sachez que ce qui fait perdurer la sécurité et la tranquillité pour les peuples, il y a le fait de multiplier toutes sortes d'obéissances et d'adorations. Et la meilleure des adorations, eh bien, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala et de lui vouer l'adoration exclusive et de ne rien lui associer, comme par exemple de ne pas implorer le secours des morts, ou de ne pas les invoquer, ou de ne pas faire le tawaf autour de leur tombe, et de ne pas implorer les saints, ou de délaisser tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah azza wa jalla a promis à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux, et il leur changera leur ancienne peur en sécurité, et cette à condition qu'ils m'adorent et qu'ils ne m'associent rien. Et le fait d'ordonner le bien et de déconseiller le mal, eh bien, font partie des causes et des fondements qui améliorent la société et la communauté musulmane, et qui font que le gouverneur, eh bien, sera respecté par le peuple. Et parmi les causes qui font descendre la tranquillité et la quiétude sur les peuples, il y a le fait de multiplier la lecture du Coran et de l'étudier dans les mosquées, et d'étudier la science et de l'enseigner pour les grands et les petits. Le Coran est un livre béni qui propage le bien et qui empêche le mal et qui apaise les âmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et n'est-ce pas avec l'évocation d'Allah azza wa jal que les cœurs s'apaisent? Et sachez qu'en réalité, la félicité de tous passe par le fait de s'attacher à sa religion et à appliquer l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez à son messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, c'est-à-dire les gouverneurs. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Et si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et ce sera une meilleure interprétation et un meilleur aboutissement. ثم اعلموا ان الله امركم بالصلاه والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفرة والملحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار برحمتك يا عزيز ويا غفار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي